Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pensez la construction européenne. Ah, les choses ne naissent pas de rien. Elles sont le fruit d'un long héritage de réflexion, de débats, d'opposition. Cela est évidemment le cas pour l'Europe, car après avoir défendu l'idée d'une nécessaire construction européenne, il est impératif de réfléchir à quelle Europe ? Fédéraliste ou simple institution de contrôle avec des fonctionnaires ? Altiero Spinelli et Ursula Hirschmann sont les figures de cette histoire, du combat antifasciste à la volonté de construire une Europe en paix et en justice sociale. Leurs pensées, leurs actions font écho aux défis que rencontre l'Union européenne aujourd'hui. Altiero Spinelli. L'institution européenne fondamentale qu'il faut créer, c'est un État européen. C'est une fédération européenne, c'est-à-dire un gouvernement, un parlement européen qui ait le pouvoir de faire des lois, de les faire exécuter. Nous venons d'entendre Altiero Spinelli qui évoquait peut-être ce qui est au cœur de toute notre réflexion aujourd'hui. Andrew Glenscross, c'est ça, c'est le fédéralisme. S'il y a un mot aujourd'hui que l'on doit étudier, qui doit sans cesse apparaître avec ce qui nous intéresse, c'est le fédéralisme. C'est ça, et moi je retiens bien la phrase d'un gouvernement européen, un exécutif, donc quelque chose de politique et pas simplement de technocratique. Oui, c'est ça qui est très important et on va le voir parce que moi je trouve ça vraiment fascinant de remonter aux origines de ceux qui pensent l'Europe et puis voir comment ils ont assisté à ce que devient l'Europe. Ah, Célie Turmeau, bonjour. Bonjour. Ce fédéralisme, c'est évidemment une réflexion qui naît parce que je le disais pour commencer cette émission, déjà il y a un premier temps avant de savoir quelle Europe c'est. Faut construire une Europe. Et ça, avec celui et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment important. Porter l'Europe. Oui, ce sont des personnages qui sont vraiment au cœur de la réflexion sur la construction d'une Europe politique, d'une Europe unie, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ce qui est très important quand on travaille, quand on s'intéresse un peu à ces personnages, on découvre qu'en réalité, l'effort de militants pro-européens pour construire une union politique à l'échelle européenne comme solution pour éviter le retour des guerres, le retour des égoïsmes nationaux, c'est quelque chose qui apparaît dès la guerre, dès les mouvements de la résistance. Évidemment, ils sont tous les deux... Spinelli... indiqué comme co-auteur, Ursula Hirschmann très certainement aussi a contribué, même si c'est moins explicite, comme malheureusement souvent. Ils sont co-auteurs d'un texte qui va être diffusé dans les mouvements de résistance européens dès 1943. Oui, c'est ça. Dès 1943, ils écrivent un manifeste qui est clairement pour cette construction de l'Europe. Ils écrivent ça alors qu'ils sont eux-mêmes résistants. Qui est Spinelli ? Pourquoi lui, on le voit ici dans une réflexion sur ce qu'est l'Europe politiquement ? Spinelli a une formation intellectuelle socialiste. Dans sa famille, ce sont plutôt ces idées-là qui dominent. Et lui s'engage très tôt, à 17 ans, dans le Parti communiste italien, à Rome, et va très vite partir en clandestinité parce que il perçoit le Parti communiste comme le meilleur mouvement de résistance au fascisme. En tout cas, dans le contexte tel qu'il le perçoit dans sa jeunesse à Rome. Évidemment, le problème est que 3 ans après, il sera arrêté et en fait, il va passer les 16 années suivantes en captivité. D'abord en prison, dans différentes villes, puis ensuite sur l'île de Ventotene, en confinement. Et en réalité, il poursuit pendant cette période cette formation intellectuelle, mais il gardera toujours caractéristique de militant professionnel. Finalement, c'est ça qui l'a formé. Il n'a jamais vraiment travaillé avant de devenir militant dans autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui a entamé des études de droit, mais en réalité, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des idées, aux idées politiques, et qui achève sa formation intellectuelle en captivité, mais qui se consacrera vraiment toute sa vie à ce travail de militant. Ah bah oui, c'est sûr que la formation du Parti communiste dans ce milieu du XXe siècle, ça c'est du costaud, hein, Andrew Glenscross. Et j'insisterai sur le fait que c'est un penseur qui travaille beaucoup avec les idées politiques européennes, et on peut penser que le fédéralisme européen est européen d'inspiration, mais chez Spinelli, on voit bien que c'est aussi les penseurs fédéralistes anglo-saxons qui ont été importants pour lui. Oui, parce que on le dit bien, hein, ce sont des gens qui réfléchissent. Dans le cas de Spinelli, c'est quelqu'un militant, communiste, qui s'engage dans la résistance, mais qui réfléchit à l'Europe. Ursula Hirschmann, d'où vient-elle ? Elle est née en 1913 à Berlin, donc elle est allemande, d'une famille juive d'origine. Néanmoins, cette famille a baptisé les enfants comme Ursula et son frère Albert. Ce sont des enfants qui ont eu une enfance dorée de la bourgeoisie allemande de l'époque. Son père est docteur chirurgien, sa mère, la mère d'Ursula, est fille d'un banquier. Donc vous voyez bien un peu le milieu culturel et intellectuel de cette époque. Avec cet engagement dans la résistance qui leur permet de se rencontrer. Arcelli Turmeau, vous êtes maîtresse de conférence en droit à Nantes Université. Ils se rencontrent tous les deux. Vous avez évoqué ce lieu Ventotene. Ventotene. C'est quoi ça ? C'est une île, en fait, au large du Lazio, en Italie, donc dans laquelle on a confiné un certain nombre de prisonniers politiques sous le régime fasciste. Donc en réalité, Spinelli arrive là en 1937. Moi, je dis dans les années 30, dans ce cas-là. et il à un moment où s'achève normalement sa période de 10 ans de prison à laquelle il avait été condamné. Et il apprend malheureusement qu'en fait, non, il ne va pas être libéré, mais il va être confiné sur l'île de Ventotene. Mais en réalité, c'est un endroit où se retrouvent énormément d'intellectuels, d'opposants au fascisme. Et sur cette île vont se retrouver notamment un certain nombre de personnes qui ont en commun, pour certains d'entre eux, effectivement cette formation dans le Parti communiste, mais aussi une opposition au stalinisme. Spinelli se détache du Parti communiste de l'époque pendant ses années de captivité, en réaction notamment au stalinisme. Il est expulsé. Mais parce qu'ils s'opposent à cette tendance-là. Et ils vont être plusieurs à se mettre à ce moment-là à réfléchir à l'après. Parce que c'est très clair dès les premières versions du manifeste de Ventotene et qu'ils pensent que de toute façon les alliés vont vaincre. Et donc la question qui se pose, c'est que faire après ? Comment saisir l'opportunité qui va se présenter de reconstruire quelque chose de nouveau en Europe sur les ruines des États tels que en Italie, des États qui auront été fondamentalement chamboulés par ces années de dictature et de guerre. Et alors Ursula Hirschmann, elle, n'est pas en détention, mais en fait aura décidé de rejoindre son mari qui lui Colorni est en détention sur la même île. Il y a d'autres personnes qui sont également co-auteurs de ce texte, dont Ernesto Rossi, qui est également un résistant qui va réfléchir. Donc, vous avez ce groupe de personnes qui vont réfléchir ensemble et qui vont participer à la diffusion de ces idées pour un futur européen. Et ces gens-là lisent énormément ce qu'ils peuvent trouver. Il y a des bibliothèques et dans ces lectures, il faut trouver des inspirations parmi ces inspirations. Mais vous nous l'avez dit, Andrew Grenkos, il y a quelque chose qui nous conduit du côté anglo-saxon. Que vive la Constitution des États-Unis. Par cette proclamation, George Washington porte sur les fonts baptismaux la toute jeune République américaine un jour de septembre 1787 à Philadelphie. Les délégués sont arrivés, à cheval pour la plupart, des 13 États de l'Union et pendant 4 mois, sous la houlette de George Washington, ils ont travaillé dur dans un huis clos total. Les figures les plus prestigieuses du pays sont là. Benjamin Franklin, l'ami des Français, qui avait obtenu le concours de Louis XVI dans la guerre d'indépendance 10 ans auparavant. Il y a aussi le clan des Virginiens influents, James Madison et George Mason, très sourcilleux sur la question des droits de l'homme. Mais les libéraux doivent composer. Le texte de Philadelphie n'abolit pas l'esclavage. Les Noirs restent donc exclus, tout autant que les femmes. Mais oui, les choses ne naissent pas de rien. Et là, c'est la Constitution américaine qui est évoquée. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a cette même réflexion des colonies anglaises. Que doivent-elles devenir? Comment construire ce nouveau pays qui devient les États-Unis? Andrew Glenn Close, c'est vraiment cela ici qui intéresse, pendant ces années de détention, ces militants antifascistes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inspiration dans le monde d'État fédéral, ou en tout cas, il y a un modèle majeur, ce sont les États-Unis. Absolument. Et là, on voit bien que, à la base, il y a aussi cette idée d'une convention constitutionnelle qui pourrait inspirer un sentiment d'appartenance, un débat aussi politique généralisé au sein de la population pour permettre ensuite à la construction d'un État fédéral. Et ça, c'est une idée forte qu'on retrouve toujours dans la pensée de Spinelli tout au long de sa carrière de militant politique, voire même aussi de membre du Parlement européen après 1979. Il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, aux États-Unis, à Philadelphie, il y a un modèle fédéral qui est débattu, mais il y a aussi un autre principe d'organisation politique qui aurait pu gagner à cette époque-là, c'est le confédéralisme. Donc l'idée de garder la souveraineté parmi les États membres de ce qu'on appelle maintenant, bien sûr, les États-Unis au singulier. Au singulier. Oui, et justement, à propos de cette opposition entre deux modèles, Spinelli se revendiquera très longtemps, enfin toujours, disons, du modèle hamiltonien. Donc très clairement, il s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle les Federalist Papers, dont Hamilton est l'un des principaux auteurs, et dans lesquels Hamilton défend l'idée d'un État central fort. C'est-à-dire qu'il dit, si on crée les États-Unis, il faut que cette fédération soit forte, et cela suppose notamment de donner à la fédération des compétences dans des domaines clés de la souveraineté, et notamment en matière monétaire pour la capacité d'acheter de la dette, créer de la dette publique pour l'ensemble de la fédération, et en matière de défense. Et Spinelli, dès le manifeste de Ventotene, insiste sur le fait que cette fédération européenne devra notamment avoir des compétences dans ces domaines clés, et également être capable de créer une solidarité entre Européens. Et on voit bien que ce sont trois questions sur lesquelles on n'a toujours pas aujourd'hui réussi à créer ni un pouvoir politique fort à l'échelle européenne. Alors, on a la monnaie commune, mais on sait que c'est tout le reste, disons, qui accompagne la monnaie commune, qui n'est pas encore abouti. Pour le reste, on n'y est pas. Et donc, on voit bien, en fait, l'opposition majeure, quand même, entre le modèle fédéraliste prôné par quelqu'un comme Spinelli et le modèle communautaire tel qu'il s'est construit. Andrew Glenn Close, vous êtes directeur de l'École européenne de sciences politiques et sociales, professeur de sciences politiques à l'Institut catholique de Lille. Vous êtes l'auteur avec Alexander Terschel d'un ouvrage consacré à Altiero Spinelli, que je traduis parce qu'il est en anglais, sur le fédéralisme européen et cette réflexion sur le constitutionnalisme avec, on doit le contextualiser, des gens qui pensent, qu'il s'agisse d'Altiero Spinelli, Ursula Hirschmann et ceux qui sont autour d'eux, pendant leur captivité, durant la Seconde Guerre mondiale, tout est possible. On est à un moment où ils peuvent imaginer un autre monde. On ne sait pas ce que ce sera après la guerre. Donc on va dire qu'ils ne sont pas contraints par le contexte. Ils peuvent imaginer, j'ai presque envie de dire, de manière pure, ce qu'ils voudraient que soit l'Europe. C'est ça, mais avec une pensée qui n'est pas simplement utopiste, elle œuvre pour du concret, pour la construction d'un État fédéral qui passe donc par, je le disais, potentiellement une convention. Spinelli, ce qu'il apprécie énormément dans le développement du fédéralisme américain, c'est l'idée d'un pouvoir constituant américain, et donc il milite pour essayer de trouver un équivalent européen. Et donc il y a du concret, il y a l'idée de œuvrer pour un gouvernement, un exécutif donc, et aussi un système judiciaire qui pourrait donner aux citoyens européens une double appartenance, une appartenance nationale sans souveraineté potentiellement, ou avec une souveraineté limitée, et aussi une appartenance, comme le voulait Hamilton, à l'État fédéral qui agit aussi, qui fait de l'action publique. Et puis de toute cette réflexion naît un texte, un manifeste, et je sens se manifester l'impatience de nos auditeurs, de nos auditrices, de l'entendre, ce manifeste. L'idéologie de l'indépendance nationale a constitué un puissant levain de progrès. Elle a permis de surmonter bien des divergences basées sur l'esprit de clocher dans l'optique d'une plus vaste solidarité contre l'oppression des dominateurs étrangers. Elle a éliminé une bonne part des obstacles à la circulation des hommes et des marchandises. Elle a fait étendre à l'intérieur des frontières de chaque nouvel État les institutions et les systèmes des peuples les plus civilisés aux populations les plus arriérées. Elle portait cependant en soi les germes de l'impérialisme que notre génération a pu voir grandir démesurément jusqu'à la formation d'États totalitaires et au déchaînement des guerres mondiales. C'est Thomas Beau qui lisait cet extrait du manifeste de Ventotene. Alors dites-nous, Araceli Turmaut, qu'est-ce que c'est que ce manifeste? Quel est ce texte qui est diffusé, vous nous l'avez rappelé, de manière clandestine dans tous les mouvements de résistance et pas seulement en Italie? Oui, il est diffusé vraiment parce que l'objectif est justement, comme le disait Andrew juste avant, de militer pour la réalisation concrète d'un objectif politique. Donc c'est un texte qui doit emporter l'adhésion du maximum de lecteurs pour les convaincre du diagnostic qui est posé par les auteurs sur les causes de la montée des totalitarismes et de la guerre en Europe à la fin du 19e et au 20e, et sur les solutions également. Alors, et on l'entend dans cet extrait, il y a une très longue partie qui est d'ailleurs écrite par Spinelli dans le manifeste, en tout cas c'est lui qui est identifié comme l'auteur de cette première partie du texte, qui pose un diagnostic historique dans lequel on affirme que finalement, l'État-nation capitaliste est la cause de la montée du fascisme, du totalitarisme et des guerres impérialistes. Ils ont vraiment cette idée que, finalement, on ne pouvait pas attendre une autre conséquence. C'est comme une conséquence naturelle, finalement, l'État fasciste est la forme d'État la plus efficace si on se place dans du point de vue de la compétition des nations les unes contre les autres et l'objectif de domination impérialiste sur le maximum de ressources à l'échelle européenne et mondiale. À partir de là, que faire? Eh bien, il faut mettre fin à l'État-nation. L'État-nation n'est pas un modèle qui doit pouvoir se reconstruire à la fin de la guerre. Quelle alternative penser en Europe? Eh bien, il faut un État fédéral qui soit suffisamment fort et qui puisse être un élément auquel les citoyens européens s'identifient. Hein, donc effectivement, d'où cette idée de constituante, de nécessité d'une adhésion politique des citoyens à ce changement. Et c'est cet État fédéral qui va empêcher les États-nations de se reconstruire, qui va permettre une véritable reconstruction économique et sociale également. Hein. Il y a cette idée socialiste toujours aussi de volonté de réforme sociale et économique. C'est ça qui va permettre tous ces changements-là et permettre d'éviter le retour des égoïsmes nationaux et le retour de la guerre. En 1941, ce manifeste pour une Europe libre et unie. Andrew Glencross, c'est important hein, ce texte, parce que ce qui vient d'être dit là, et on comprend très bien la logique, c'est très très logique, c'est qu'on pose un constat, on cherche les origines de tout ce mal, ce totalitarisme, et que construire derrière? C'est ça, et je pense qu'il faut souligner l'idée de la liberté, l'idée d'une Europe libre, puisque pour Spinelli, c'est probablement à cause de ça qu'il prend ses distances relativement tôt de la tradition marxiste et staliniste après, donc l'Union soviétique. Lui, il œuvre pour la démocratie et la liberté du point de vue du fait que, pour lui, le fédéralisme, c'est aussi une façon de lutter contre la centralisation du pouvoir. Quand il voit en Europe d'entre-guerres le totalitarisme, il voit de la centralisation du pouvoir. Et pour lui, le fédéralisme, la fédération américaine, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Ça rend possible la décentralisation. c'est un moyen de lutter contre une tendance européenne très néfaste politiquement. Oui, c'est ça, hein, c'est l'État-nation, le capitalisme, la concentration des pouvoirs qui conduisent à tous ces malheurs qu'ils sont en train de vivre. En 1943, Spinelli est libéré, hein, il part se réfugier en Suisse. 1945, c'est la fin de la guerre, très bien. Alors quel projet pour l'Europe? Quelles sont les grandes voix qui s'opposent? On entend bien, il y a ce projet fédéraliste de Spinelli, d'Ursula Hirschmann, mais il n'y a pas que ça qui est proposé pour l'Europe. Il y a quoi d'autre? Non, bien évidemment. D'une part, il y a, et ça, Spinelli, Hirschmann et les autres l'avaient prévu et l'indiquaient dans le manifeste, il y a les élites nationales qui vont naturellement essayer de reconstruire à l'identique les États-nations. Et donc, l'idée du manifeste et de sa diffusion très rapide dès 1943, c'est aussi de lutter contre ça, d'empêcher ce phénomène qu'il considère comme naturel de tentative de reconstruction des États-nations à l'identique. Et ils disent, notamment dans le manifeste, c'est assez drôle, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui se considèrent comme suffisamment puissants pour demeurer à l'identique avec notamment, pour le Royaume-Uni, son empire colonial, vont tout faire pour reconstruire les États-nations européens. Donc, il faudra être fort, il faudra être organisé pour lutter contre ces influences. Il y a par ailleurs aussi d'autres courants pro-européens, disons, qui veulent aussi une construction politique européenne, mais qui ne partagent pas les idées des fédéralistes sur les moyens d'y parvenir. Et c'est là qu'aussi vont se concentrer beaucoup des efforts de Spinelli et des autres dès 44-45 hein, et jusqu'au début des années 50, ça va être d'essayer de pousser dans toutes les instances, les congrès qui se multiplient à cette époque-là, hein, dès 45 vous avez énormément d'événements, de réunions, de congrès, d'assemblées, pour essayer de réfléchir à ce futur pour l'Europe. Ils vont essayer de lutter contre ceux qu'ils considèrent comme soit trop dans la recherche du compromis, du consensus. Le mouvement européen, par exemple, est vu par Spinelli comme beaucoup trop mou dans ses ambitions politiques vis-à-vis des élites nationales, de la reconstruction des États, et aussi contre ce qu'on peut appeler très rapidement les fonctionnalistes, comme Jean Monnet, qui, eux, ont cette idée qu'on va pouvoir construire l'Europe par une évolution progressive qui s'appuie sur l'intégration d'abord très technique, d'abord très focalisée sur certains secteurs économiques, et qui, à partir de là, cherche à construire une solidarité et une union politique. Spinelli, dès le début, dit « ça ne va pas marcher, c'est trop naïf, ça ne suffit pas à créer cette prise de conscience et ce saut vers quelque chose qui relève de l'union politique ». Les citoyens n'adhéreront pas. Et donc, dès le début, ils s'opposent à cette voie-là. Et ils vont passer, effectivement, une dizaine d'années après la guerre à s'opposer au tenant de cette approche pour la construction européenne. Oui, dès le lendemain de la guerre, hein, il se passe des choses autour de l'Europe. Et les voix sont divergentes. Il va falloir débattre. Et on entend bien, hein, Spinelli, comment il y va. Il va dans les réunions, il participe. Nous sommes en 1948, c'est le congrès de la Haye. En même temps que le plan Marshall se matérialise, l'Europe se rassemble. À La Haye, plus de 1000 délégués venus de toute la partie de l'Europe qui se situe en deçà du rideau de fer ont acclamé le discours d'ouverture de M. Winston Churchill. Véritable congrès de l'Europe où les premières conditions d'une entente ont été élaborées. Véritables états généraux qui préfigurent la nécessaire réunion des peuples. Cette assemblée à laquelle les délégués français ont pris une part constructive a eu pour premier résultat de réclamer une assemblée permanente, une monnaie unique, la suppression des douanes. L'idée européenne est maintenant en marche. Le journal des actualités françaises en 1948. Andrew Glenn Cross, ça y est, nous sommes en 1948, on l'entend ici dans cette archive, le plan Marshall est là. Quand Spinelli et puis tous ceux qui l'entourent, ou notamment Ursula Hirschmann, réfléchissent pendant la Seconde Guerre mondiale à la construction européenne, ils sont loin d'imaginer que l'Europe va être divisée en deux, que les États-Unis vont apporter beaucoup d'argent avec le plan Marshall, peu importe. Maintenant, c'est ainsi. L'idée de Spinelli, c'est simplement de convaincre, en fait. On l'entend, il veut participer partout, convaincre que le fédéralisme est la seule solution. Il est entendu? Pas spécialement, il faut le dire. Du moment où, avec Ursula, qui est la cofondatrice en quelque sorte du mouvement fédéraliste européen en 1943, il essaye de mobiliser grâce aussi à de nouveau le soutien d'Ursula qui devient sa femme en 1945 et qui traduit dès 43 le manifeste en allemand, sa langue maternelle bien sûr, pour le faire circuler dans les réseaux anti-nazis en Suisse et aussi même en Allemagne. Et donc là, il y a un vrai mouvement de mobilisation qui cherche à marquer les esprits au niveau des élites, élites industrielles, élites politiques, mais aussi des citoyens. Et c'est là que son projet semble perdre de vitesse. Il y a des élites comme... on l'a entendu là pour le congrès de la Haye, mais ensuite, pour faire le lien... un lien démocratique avec les partis politiques au niveau national, ça semble pas marcher. Eh oui, parce qu'il y a ça aussi, hein, faut trouver les relais. Pas simple, hein. Comment on peut l'expliquer ? C'est parce que les partis dans les différents pays n'ont pas eux-mêmes, je pense à des partis qui pourraient sembler être similaires, sociaux-démocrates, n'ont pas les mêmes objectifs par rapport à ce qu'ils portent, hein, leur propre nation. Je pense que oui, très certainement, il y a, et c'est sans doute pour ça aussi que le modèle alternatif finalement prend le dessus, hein, et que c'est en réalité le modèle communautaire qui va l'emporter, il y a une tendance qui est trop forte et que je pense les auteurs du manifeste de Ventotene n'avaient pas anticipé, à la reconstitution des institutions nationales, des frontières nationales et des élites politiques nationales qui se conçoivent comme nationales avant tout, qui va aller très très très vite. Et Spinelli se rend bien compte, hein, que par exemple un personnage comme De Gaulle, mais aussi, hein, des personnages plus sociaux-démocrates dans différents pays européens, ne sont pas véritablement réceptifs à l'idée qu'il faut abandonner l'indépendance et la souveraineté nationale au profit d'un système plus réparti. On partagerait la souveraineté entre les échelles nationales et européennes. On a clairement une préférence des élites nationales pour ces projets de réalisation quand même européenne. Hein. Je veux dire, le Conseil de l'Europe aboutit quand même à la Convention européenne des droits de l'homme. Le modèle communautaire se met en route très vite. Donc, il y a quand même des réalisations, mais qui vont suivre une approche qui n'est pas incompatible avec la reconstitution des institutions nationales telles qu'elles existaient ou telles que des élites qui ne sont pas convaincues par l'idée d'une Europe politique peuvent les accepter. Bien que l'objectif annoncé de personnes comme Schuman, Monnet soit le même. Hein, si on lit leur déclaration dans les années 40-50, on partage quand même l'objectif final de fédération, d'union politique. Mais simplement, la manière d'y arriver n'est pas du tout la même. Et je pense que Spinelli réussit quand même, et les autres membres du mouvement fédéraliste, réussissent à être entendus un peu jusqu'au traité sur la communauté européenne de défense. Mais c'est ça, hein, dans les années 1950. Et ils sont entendus, c'est déjà important. Et puis vous nous l'avez dit, l'objectif peut être similaire. C'est la voie à adopter qui est différente. Oui, et je pense que c'est très important de se rappeler qu'il y avait un projet qui a failli aboutir, le projet justement de la communauté de défense européenne pour doter l'Europe occidentale d'une armée commune, et c'est l'Assemblée nationale ici en France qui ne l'a pas voulu. Et ce sont les Français qui ont bloqué. Pourquoi les Français ont bloqué cette construction d'une Europe, d'une défense commune ? L'Assemblée nationale vote contre, notamment sous l'impulsion du mouvement gaulliste, bon, également l'opposition des communistes. Donc, en fait, il n'y a pas de consensus en France pour valider ce projet. Ben oui, parce que Araceli Turmaud, vous le rappelez avec justesse, il y a ces communistes. Non, mais c'est vrai qu'on est dans ces années 40-50 et c'est une composante essentielle du monde politique. On ne peut pas les mettre de côté. Dans cette réflexion sur la construction européenne, il y a cette autre lecture aussi d'une construction qui est autre. Mais c'est important de le mettre parce qu'il ne faudrait surtout pas les écarter, tant par leur rôle pendant la Seconde Guerre mondiale que parce que ce qu'ils représentent après. C'est sûr qu'au moment de ce que nous évoquons là, ces années de 45 à 52, 3, 4, il y a beaucoup de réflexions. Et Spinelli, lui, intervient avec un propos très clair. « Pour les institutions européennes, on a trop présenté aux Européens une quantité d'institutions qui étaient de simples façades, derrière lesquelles il n'y avait absolument rien. Or, l'institution, je dis l'institution au singulier, l'institution européenne fondamentale qu'il faut créer, c'est un État européen, c'est une fédération européenne, c'est-à-dire un gouvernement, un parlement européen qui ait le pouvoir de faire des lois, de les faire exécuter. Et seulement de cette façon, on peut affronter et résoudre tous les différents et compliqués problèmes de l'Europe. Et pour parvenir à ce but, l'Union européenne des fédéralistes, comme les nouvelles équipes, comme le mouvement socialiste des États-Unis d'Europe, ont pensé qu'il était venu le moment d'alerter l'opinion publique et de déclencher vraiment une campagne pour demander au gouvernement, à l'Assemblée de Strasbourg, un pacte d'union fédérale pour la création de ce gouvernement européen. Nous devons dire clairement qu'il faut une autorité qui ait un vrai pouvoir, c'est-à-dire un État européen. En 1950, dans la tribune de Paris, Altiero Spinelli précise de manière vraiment, mais on sent que dans sa tête, c'est très clair. Mais alors, dites-nous, Andrew Glencross, ce ne sont que des déceptions pour lui. C'est très clair, il veut un gouvernement, mais il le perçoit, ça s'écarte de plus en plus de cela. C'est plutôt ce que veulent Monet, Schuman, des petits secteurs sur lesquels on va travailler avec des institutions, mais Spinelli nous dit, derrière, il n'y a pas grand-chose. Il accumule les déceptions, effectivement. Comité de défense européenne en 1954, le retour de De Gaulle avec la Ve République en 58. C'est vrai, mais à la fin, nous, je dirais aujourd'hui, 2024, on vit dans une Union européenne qui ressemble beaucoup à un de ses projets majeurs, le projet du traité constitutionnel en 1984, qui voulait effectivement un Parlement co-législateur avec le Conseil qui représenterait les États membres. Et effectivement, c'est comme ça qu'on vit, au moins pour tout ce qui touche au marché unique aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très important de réfléchir à cette pensée, hein, celle d'Altiero Spinelli, d'Ursula Hirschman, parce que ils sont ce que nous sommes maintenant, ce que l'Europe. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est de réfléchir à la manière dont s'est construite cette pensée qui nous conduit à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend. Ce sont toutes ces difficultés. Comment on peut les expliquer? C'est le contexte qui empêchait que l'on aille vers cette Europe un peu plus fédéraliste que voulait tant Spinelli, ces années 50, 60. Oui, oui, je pense que les fédéralistes se heurtent à sans doute l'incompréhension des responsables politiques en place. Alors moins en Italie, hein, où finalement les Italiens, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est sans doute le pays où les idées fédéralistes européennes sont encore en vie, mais au-delà de ça, on a quelques députés européens, bon, des gens comme Guy Verhofstadt qui sont très connus, qui ne cessent de ressasser toujours les mêmes idées, en fait, finalement, qui ressemblent beaucoup aux idées défendues par les fédéralistes dans les années 50-60. Je pense qu'ils se heurtent à une impossibilité. Ils n'ont pas réussi, malgré leur travail infatigable, à persuader les décideurs politiques qu'il fallait ouvrir cette voie, et ils n'ont pas réussi non plus à percer au niveau de l'opinion publique. Il y a une critique qui, je pense, alors malgré effectivement les progrès, je suis d'accord sur le fait que l'Union européenne aujourd'hui ressemble par certains côtés à ce qui est réclamé, mais on entend bien quand même le fond de la critique dans l'extrait que vous venez de passer. Spinelli dit finalement cette autorité n'a pas de vrai pouvoir, alors qu'en réalité, alors, la haute autorité de la CECA puis la Commission européenne sont perçues comme ayant, dès le début, eu beaucoup de pouvoir. Ce sont des instances supranationales qui peuvent imposer des choses aux États. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le pouvoir de décision politique reste dans les mains des États. Il n'y a pas de véritable institution fédérale, supranationale, qui puisse prendre des décisions politiques importantes. Les décisions politiques importantes, dès le début du modèle communautaire, sont aux mains des États. Il faut qu'ils les prennent, soit en négociant des nouveaux traités, soit, lorsque ce sont des choses qui sont possibles dans le cadre des traités qui existent déjà, au niveau du Conseil ou du Conseil européen, c'est-à-dire dans des instances de négociation intergouvernementale. Tout ce qui est de plus classique dans une organisation internationale. Alors avec des règles de vote qui sont quand même un peu plus démocratiques, etc. Mais tout de même, et on voit encore cette semaine l'exemple de ce qui s'est passé pour la négociation sur l'aide à l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? On a un conseil. Avant le conseil, 5 États se réunissent avec la présidente de la Commission autour d'une table. On ne sait pas trop ce qui se dit. On en ressort avec le fait que la Hongrie finalement revient sur son opposition. C'est ça le problème pour Spinelli, et il l'écrit dès les années 60. Pourquoi les institutions européennes sont bloquées dans les années 60? Parce qu'on a laissé le pouvoir politique aux États, qu'on n'a pas créé d'institutions politiques véritablement européennes, et que pour créer ça, selon Spinelli, on en revient à ce que disait Andrew au début, il faut un moment constituant. Il faut que les citoyens puissent adhérer au projet politique pour développer cette légitimité politique au niveau européen. Et ça, c'est vraiment l'élément important. C'est se reconnaître, parce que un gouvernement supranational ne peut fonctionner que si l'ensemble des gens concernés reconnaissent la légitimité de ce gouvernement. Et on a tenté ce modèle avec la Convention européenne de 2002-2003, présidée justement par Valérie Giscard d'Estaing. Et que s'est-il passé après? Les États membres ont retravaillé le texte, ensuite des référendums en France et aux Pays-Bas, où les électeurs ont refusé d'adhérer à cette idée d'une constitution, de quelque chose qui pourrait peut-être unir avec le type de patriotisme constitutionnel voulu par Spinelli. Et ça n'a pas marché à cette occasion-là. Mais parce que ces idées de fédéralisme portées dans les années 50-60, bah, ça marche pas. Mais dans le même temps, l'Europe, elle, se construit. C'est-à-dire, on parlait des peuples qui regardent un petit peu l'évolution. Bah, ça se construit. 1952, il y a la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Bon, l'échec de la Communauté européenne de la défense, 1954. D'accord, c'est à cause des Français, c'est un échec. Mais enfin, c'est quelque chose quand même. Ça existe. Et puis évidemment, en 1957, le traité de Rome. À Rome, le palais du Capitole, dessiné par Michel-Ange et qui domine la ville éternelle, a été le cadre majestueux de la rencontre des 6 venus mettre le point final aux négociations instituant le marché commun et leur atome. Messieurs Beck pour le Luxembourg, Segni et Martino pour l'Italie, Luns pour les Pays-Bas, le chancelier Adenauer pour l'Allemagne fédérale, Monsieur Christian Pinault pour la France et Monsieur Spack pour la Belgique, on paraphait les deux documents qui jettent les nouvelles bases économiques d'une Europe en formation. Le traité de Rome, 1957. Et dites-moi, Spinelli, c'est pas du tout ce qu'il voulait, ce traité de Rome. Oh là là, vous faites le nom de la tête à Sylly Turmo. C'est pas du tout pour lui, ça. Non, pas du tout. En fait, à cette période-là, Spinelli estime que le projet fédéraliste a échoué. C'est véritablement pour lui au moment de l'échec de la communauté de défense, qui dans laquelle le traité incluait une disposition qui disait qu'on allait créer, qu'on allait avoir une assemblée pour réfléchir à un nouveau traité sur une communauté politique européenne. Donc pour lui, communauté de défense, communauté politique, c'était lié et c'était en 54 quelque chose qui pouvait arriver. Suite à cet échec, Spinelli pense que le projet a échoué. Il voit bien que le courant porté plutôt par Monnet, Spack, Schuman est celui qui a vaincu, on va dire, le débat politique sur la construction européenne. Et il ne se désintéresse pas tout à fait des institutions européennes, mais il renonce à essayer de convaincre Monnet. C'est très intéressant parce qu'il a beaucoup travaillé, il a conseillé Monnet à une période. À un moment donné, lorsque Monnet travaillait à la Haute Autorité de la CECA, il devait lui écrire des discours qui devaient devenir un peu l'équivalent pour l'Europe du fédéraliste aux États-Unis. Donc il y avait l'idée qu'ils allaient pouvoir ensemble travailler à transformer ces institutions embryonnaires en fédération européenne. Mais Spinelli pense que Monnet n'a pas l'étoffe d'un constituant. Il lui reproche beaucoup son manque de connaissance des idées politiques, de l'histoire politique et de son manque d'ambition politique vis-à-vis des États. Il pense qu'il a le même objectif, mais il ne se rend pas compte que par l'approche qu'il choisit, il fait le jeu de la reconstitution des États-nations et non pas de quelque chose qui peut aboutir à ce qu'il souhaite, que tout comme Spinelli, une fédération européenne. Il pense que l'idée selon laquelle on peut, par une administration européenne efficace dans certains secteurs, créer une interdépendance qui va aboutir à terme à une union politique par la création de solidarité, etc., est une idée naïve. D'ailleurs, il reproche à Monnet le fait que cette idée ne pouvait venir que d'un haut fonctionnaire français, avec l'idée qu'une administration centralisée, c'est très efficace pour unifier politiquement. Lui pense que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en tout cas pas à l'échelle européenne. Et il abandonne, en fait, un peu à cette période-là, le travail de lobbying intense qu'il faisait, notamment auprès de Jean Monnet. Il se dit, bon, non, il va falloir travailler en dehors des institutions européennes pour essayer de continuer à porter cette idée. Et il continue avec Ursula Herschmann et d'autres. Mais il perd vraiment beaucoup en termes de visibilité aussi hein, médiatique et ils perdent l'oreille de nombreux décideurs politiques à cette période. Dans ces années 1960, Andrew Glenn Cross, que fait Spinelli ? Effectivement, il se met en retrait de la politique, disons, de la mobilisation pour la fédération européenne. Il cherche plutôt en Italie de créer, en fait, il réussit à créer un institut des affaires international avec l'appui de familles, de fondations comme les Agnelli et Olivetti. Il a aussi beaucoup de liens avec les États-Unis, l'administration Kennedy à cette époque. Donc c'est un autre type de projet, mais avec toujours la même vision, le même but à la fin. Mais c'est vraiment cette grosse déception du traité de Rome, donc un projet d'intégration par l'économie, une intégration technocratique avec, donc, on avait entendu l'extrait de Spinelli qui critiquait les institutions de façade. Pensez au Parlement à cette époque, l'Assemblée parlementaire, qui est en fait composée de parlementaires nommés par les parlements, les gouvernements nationaux. C'est pas ça une Europe politique pour lui. Et de même pour la Commission, c'est pas un gouvernement politique, ce sont des experts, des politiques choisis par les États membres. Oui, merci de le rappeler, parce que le Parlement européen dans les années 1960, c'est pas du tout le Parlement européen d'aujourd'hui avec les élections. Et c'est vrai que c'est un changement majeur. L'Europe que voit se construire Spinelli et que voit se construire son épouse Ursula Herschmann, c'est pas du tout l'Europe qu'ils veulent. D'autant que dans les années 1960, les points de vue sur l'Europe sont partagés. Je pense que tout le monde est prêt pour sauter comme des cabris, bien sûr. Du moment que je suis français, je suis européen. Je crois qu'il y a, dès lors que nous ne nous battons plus entre Européens et Occidentaux, eh bien il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe, mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ? Vous avez un pays français, on ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays allemand, on ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays italien, vous avez un pays belge, vous avez un pays hollandais, vous avez un pays luxembourgeois et vous avez un peu plus loin un pays anglais. Et vous avez un pays espagnol, etc. Ce sont des pays, et ce sont ces pays-là qu'il faut mettre ensemble. Le général de Gaulle en 1965, avec des conférences de presse qui restent patrimoniales. Andrew Glenn Cross. Ah, bien sûr, aujourd'hui, on peut dire que Altiero Spinelli a été précurseur de ce qu'est l'Europe que nous connaissons. D'ailleurs, c'est la pensée que vous portez dans votre ouvrage. Hein. C'est l'héritage de Spinelli. Très bien. Mais dans les années 1960, quand on regarde cette proposition du fédéralisme, par exemple pour un général de Gaulle, mais c'est complètement utopiste cette chose-là. C'est joli, c'est sans doute très bien, mais c'est pas réalisable pour eux. Il est tout le contraire d'une personne comme Ursula Herschmann qui se définissait comme apatride. Elle, qui a été en exil depuis 1933 de son pays natal, qui a ensuite vécu en Italie, en Suisse, puis en Belgique. On voit bien que le fédéralisme, en tant que mouvement antinational européen, n'a pas eu le succès escompté par Spinelli, Hirschman et d'autres. Mais là aussi, il faut penser que avec le retour de De Gaulle, il a quand même trébuché sur le problème européen, puisque sa politique de la chaise vide n'a pas marché en fin de compte. Et on a vu après une construction avec cette logique de l'engrenage, la méthode communautaire de Monnet, où on a quand même réussi à passer à un degré supérieur de supranationalisme, d'élection au suffrage universel, au Parlement, une commission qui maintenant est beaucoup plus liée à la composition politique du Parlement, avec une politique étrangère commune qui reste sujet au caprice du veto, puisque c'est un vote à l'unanimité. Mais là, on est bien loin de l'Europe des nations voulue par De Gaulle. Ah ouais, on est bien loin. Et puis, je voudrais qu'on précise le rôle d'Ursula Hirschman dans cette histoire-là, parce que c'est toujours intéressant d'évoquer deux personnages qui, alors là, avancent main dans la main, mais d'autant plus qu'à partir de 1945, ils sont mariés. Ursula Hirschman, qui a eu un rôle essentiel dans la diffusion du manifeste pour une Europe libre et unie au moment de la Seconde Guerre mondiale, la résistance dans l'après-guerre. Elle est moins présente, et on l'a vu nettement avec Thomas Beau qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Au moment de rechercher dans les archives, Spinelli est présent, Ursula Hirschman est très peu présente. C'est une visibilisation des femmes et quelque chose que l'on connaît très bien, mais elle est toujours à ses côtés. C'est-à-dire que la pensée de Spinelli, c'est une pensée sans doute construite à deux, dans des échanges. À quel moment Ursula Hirschman revient sur le devant de la scène? En 1970, Spinelli est nommé commissaire. Son portefeuille, si je ne me trompe pas, c'est la politique industrielle et la recherche. Donc les époux Spinelli et Hirschman déménagent à Bruxelles. Et là, au milieu des années 70, Ursula Hirschman, elle essaye de fusionner deux ismes, le fédéralisme qu'elle avait à cœur depuis si longtemps, mais aussi le féminisme, la seconde vague de féminisme, pour essayer elle trouvait que l'Europe c'était peut-être un levier pour protéger le droit des femmes, pour protéger cette partie de la population qui, il faut dire, a été marginale et marginalisée par les institutions dans le droit européen même. Et donc, elle crée un lobby Femmes pour l'Europe en 1975. Et c'est très intéressant de voir aussi comment les différents combats peuvent se croiser. Celui du fédéralisme, celui du féminisme, le constitutionnalisme. Je reprends un élément du titre de votre ouvrage. Dites-nous, Andrew Glencross, c'est quoi cette constitutionnalisation de la construction européenne? Il faut une constitution? Pour Spinelli, Hirschman, c'est essentiel, puisque c'est ça la liberté. C'est la garantie des libertés. On la retrouve où? Dans une constitution. Dans l'appartenance aussi à un État qui a une constitution. C'est ça qu'il voit dans les États-Unis, par exemple, Spinelli, qu'on peut appartenir à son État comme la Pennsylvanie, l'État du New York, mais aussi grâce à cette constitution fédérale, on a une appartenance au-delà de cet État-là. Et donc c'est ça en fonction des droits, en fonction du droit de vote. Et en fonction du droit de vote, c'est en 1979 qu'il est possible désormais d'élire les députés au Parlement européen. On peut dire que ça progresse en fait. Ça progresse dans le sens de Spinelli et d'Ursula Hirschman. Doucement. Hein. C'est ça. Ça progresse dans leur sens, dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, Spinelli va croire en la possibilité qu'offre l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, puisqu'il se présente, il est élu dans la première chambre, élu au suffrage universel direct, et à l'intérieur de cette première chambre, il va militer pour convaincre les autres députés qu'ils peuvent se considérer comme suffisamment légitimes pour réfléchir à un nouveau texte qui pourrait être un genre de texte constitutionnel pour l'Europe. Ce traité pour une Union européenne, qui va être adopté à une écrasante majorité par le Parlement européen dans les années 80, va notamment être la source de la citoyenneté européenne. C'est là qu'on trouve pour la première fois cette idée de citoyenneté européenne qui sera reprise par les États ensuite dans le traité de Maastricht. Donc il y a des progrès et il voit qu'il est possible dans les institutions telles qu'elles existent de continuer de militer pour une Europe politique. Simplement, je pense que pour Spinelli, en réalité, le problème fondamental dans les institutions européennes telles qu'elles existent est qu'elles reposent sur l'idée qu'on pourra passer à une union politique véritablement fédérale par des sauts quantitatifs. C'est-à-dire que c'est une évolution graduelle vers plus d'union politique, plus de démocratie, et à terme, on atteindra quelque chose de plus légitime, une union véritablement politique européenne. Pour Spinelli, il y a une différence qualitative. Et donc, il faut ce moment constituant pour véritablement donner cette légitimité aux institutions. Et c'est là que je trouve ça très intéressant aujourd'hui, notamment à l'heure où on se demande est-ce qu'on peut quand même avoir une politique européenne de défense, parce que maintenant on se rend compte que ça aurait été bien, est-ce qu'on peut véritablement avoir une solidarité entre Européens et ne pas se faire de la concurrence fiscale. On voit encore là sur la crise du monde agricole, finalement chaque gouvernement se plaignant un peu du fait qu'on est obligé d'importer les marchandises qui viennent d'autres États européens, et qu'est-ce que c'est injuste, ou plutôt que de réfléchir en termes de solidarité européenne et en tant qu'Européen. Et là, pour lui, c'est ça qui va toujours manquer. Et tant qu'on n'aura pas eu ce moment constituant, on n'aura pas véritablement de démocratie européenne. Voilà. Le moment constituant, c'est le chalut de l'Union européenne. Je dis le chalut, oui, parce qu'il est question de pêche. Monsieur le Président, je veux essayer très brièvement d'expliquer par une parabole la signification du vote positif que je vais donner. Vous connaissez tous le petit roman de Hemingway où il parle d'un vieux pêcheur qui pêche le plus grand poisson de sa vie et puis il tâche de le porter vers son port, mais les requins peu à peu le dévorent de manière qu'il arrive avec une arête seulement. Alors, Monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Et il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête. Altiero Spinelli, qui s'exprimait de manière géniale et très grandiloquente à propos de l'acte unique. On est en 1983, donc quelle est cette révolution en 1984? Qui est portée? Il le dit, hein, qu'il accepte de voter cela. Andrew Glenn Cross, c'est quoi cette histoire-là? C'est son idée d'origine, une constitution fédérale pour avoir donc un parlement avec les pleins pouvoirs pour essayer de gouverner, de faire de la politique, l'action politique à l'échelle européenne. Et donc de laisser de côté la souveraineté des États membres, par exemple dans la politique étrangère aussi, et pour ainsi constituer avec l'aspiration aussi d'avoir une monnaie unique et la possibilité d'avoir la dette publique comme levier de l'action publique européenne, et avec une personnalité politique juridique de cette Europe-là aussi. Oui, c'est ça, hein, c'est que ce long mouvement qui nous a fait commencé au milieu du XXe siècle, nous conduit dans les années 1980 à une Europe qui ressemble cette fois-ci de plus en plus à ce que souhaitaient Spinelli et Ursula Hirschmann. On peut vraiment dire ça, après toutes ces déceptions, ils voient presque la confirmation que ce qu'ils avaient pressenti, simplement pour rendre l'Union fonctionnelle ou la communauté qui puisse fonctionner, c'était ça qu'il fallait faire, en tout cas la voie qu'il fallait prendre. Et on peut même encore poursuivre après la mort d'Ursula Hirschmann et de Spinelli. Je pense par exemple à cette idée qu'il faut une dette publique européenne. Bah, finalement, on y est arrivé. On y est arrivé après le Covid. Il faut un plan de relance européen. Comment le financer? Ah bah, finalement, on va dire que les institutions européennes peuvent créer de la dette publique européenne. Donc, on reprend petit à petit tout un tas d'idées qui étaient déjà présentes dans leurs écrits dans les années 40-50. En essayant par cette politique un peu graduelle, d'évolution, qui peuvent sembler très symboliques parfois, ou vraiment des points de détail parfois, mais progressivement, en réalité, on va, à chaque évolution des institutions européennes, s'approcher un petit peu plus du modèle que défendaient les fédéralistes. Voilà, comme quoi il n'y a pas que Monnet et Schuman, et il y a tant d'autres personnes, Spinelli, Hirschman. C'était important de réfléchir à leur propre pensée pour comprendre comment on en est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui et surtout comment les choses peuvent changer. Merci vivement à tous les deux, Araceli Turmo, Andrew Glenn Cross. On retrouve la bibliographie, hein, vos ouvrages sur le site franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les Péruviens détestent-ils Indiana Jones ? Indiana Jones est un personnage de fiction, aventurier et professeur d'archéologie, créé par George Lucas. Incarné par l'acteur Harrison Ford, il apparut pour la première fois dans le film « Les aventuriers de l'Arche perdue » réalisé en 1981 par Steven Spielberg. Indiana Jones a été par la suite le héros de plusieurs autres films de la même série. Ses aventures ont été racontées aussi dans des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo, etc. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des personnages les plus populaires de l'industrie américaine du loisir. Dans le quatrième épisode de la saga, intitulé « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », le héros, appelé Indy dans le film, est poursuivi par des agents soviétiques. Il leur échappe en se rendant au Pérou, dans le but de retrouver un crâne de cristal. Il finit par découvrir cette relique légendaire dans un temple au fin fond de la forêt amazonienne. Bien que le film ait connu un succès mondial, il a fortement déplu aux Péruviens pour deux sortes de raisons. La première tient aux libertés prises par le scénario avec la vérité historique. Indiana Jones prétend en effet avoir appris le quechua, la langue des Incas, avec Pancho Villa, un héros de la Révolution mexicaine. Mais n'importe qui en Amérique latine sait que les Mayas n'ont rien à voir avec les Incas, qu'ils n'ont ni la même langue ni la même culture et qu'il n'y a pas de pyramides dans la région amazonienne. Ce film a donc été vu comme une nouvelle illustration de l'impérialisme américain. La deuxième raison, qui explique l'animosité à l'égard de cette production hollywoodienne, tient au fait que le personnage d'Indiana Jones rappelle étrangement un archéologue américain ayant réellement existé et qui s'appelait Hiram Bingham. Entre 1911 et 1915, il avait dirigé plusieurs expéditions au Pérou, qu'il avait rendu célèbre car il prétendait avoir découvert le Machu Picchu. Certes, dans son journal, il avait noté que celui qui avait réellement découvert le site Inca était un paysan de Cusco, Agustín Lizarraga, car Bingham avait trouvé sa signature sur le site. Mais comme il s'agissait d'un paysan, un métis à la peau foncée de surcroît, Hiram Bingham s'appropria indûment sa découverte sans même mentionner le nom d'Agustín Lizarraga. Bingham était aussi un adepte fervent du slogan « l'Amérique aux Américains » que défendaient les nationalistes, allant jusqu'à proposer d'envahir le Mexique. En revenant de ses expéditions péruviennes, il avait emporté un grand nombre de vestiges archéologiques qu'il avait promis de rendre 18 mois plus tard, ce qu'il omit de faire. La controverse sur la restitution de ces vestiges archéologiques fut relancée en 2008, au moment de la sortie du film. En 2011-2012, un siècle après que Bingham les eut emportés dans ses bagages, ces objets furent enfin restitués aux autorités péruviennes par l'université de Yale, le lieu où ils étaient conservés. Aujourd'hui, Bingham est considéré comme un aventurier qui s'est indûment approprié une découverte scientifique. On pourrait donc proposer à George Lucas de produire un ultime épisode de cette série qui s'intitulerait « Indiana Jones et l'honneur perdu d'un faux savant ». Eh bien voilà, c'est dit. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copet et Mathieu Copal. Le cours de l'histoire à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr, sur la chaîne YouTube de France Culture et sur l'appli Radio France.